1 0 1 0 1 0 0 1 Me voilà binaire 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 Voilà ma vie à l'heure, à l'air du secteur tertiaire. En transit d'une RW sur une USB, je me cache dans la double couche d'un DVD. J'évite d'être gravé sur un CDR, par peur d'être figé, ou pire encore dans une UC sur un DDR, qu'un autre pourrait alors formater. 0, 1, 1, 0, 1, me voilà binaire. Je suis double corps, j'ai la mémoire vive. Le cortex dépendant du contexte, je compresse mes émotions à leurs plus simples expressions. 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Je navigue à vue en 10 bits et ne parle plus qu'en MP3 en proie au flux du X, au flot des choix. Je surfe sans apparaître, je ne veux surtout pas connaître ce qui a poussé cette personne à se faire mettre de tous côtés, pas savoir où est née cette rumeur qui parcourt le net au profit d'intérêts pas toujours honnêtes. 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 Dans la matrice de ma carte mère, je grandis et prends possession de mes extensions en PCI. De port en port, je tisse ma toile jusqu'au plus profond du processeur, où je capture les flots d'informations fixés aux flux et reflux des ions. Je me défonce à l'Ethernet 0, 1, 1, 0, 1. Mes amitiés sont sur MySpace et mes amours désincarnés. Les spasmes frénétiques de ma sexualité virtualisée font en flèche monter la chaleur de mon CPU qui décroche à la limite de l'or d'usage, fait griller mes circuits intégrés. 0, 1, 1, 0, 1. Je suis double corps et mon cortex dépend de mon contexte, de la mémoire vive, la rame où dérive mes émotions que je compresse à leurs plus simples expressions. 0, 1, 1, 0, 0, 1. Je suis à l'abri des multipliés. 0, 1, 1, 0, 1. Plus rien ne peut me toucher. Je ne suis que 0, 1, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 0, 1. 0, 1, 1, 0, 0, 1. 0, 1, 1, 0, 0, 1. Plus que 0, 1. Non, non, ne coupez pas l'électricité. Ne coupez pas l'électricité.